flics, ils sont venus chercher du fric, éviter les flics. Ah non, prenez la fric, ils sont venus chercher du fric, éviter les flics. Il a entendu qu'il y a du pognon du fric, mais il ne sait pas que c'est pas pour lui. Il ne sait pas que c'est pas pour lui, non. Parfois la réalité détruit le rêve, parfois la réalité détruit le rêve, parfois la réalité. Parfois la réalité détruit le rêve, parfois la réalité. Parfois la réalité détruit le rêve, parfois la réalité.